Activité 6. Page d'ouverture. Activité 2 et 3. Page 113. Piste 85. Qu'est-ce que tu as, Alice ? Une brochure de voyage sur le Vietnam. Ton pays est magnifique, Nam. Eh oui ! Tu vas partir au Vietnam cet été. Peut-être. Et toi, Emma ? Tu vas où ? J'aime visiter Montréal, au Canada. Il est très grand, ce pays. Exactement. Et toi ? Tu vas où, Nam ? Dans un pays proche de la France.